Chapitre 28e. Monsieur Zimbert avait naturellement gardé à Paris ses habitudes de la campagne. Il se couchait à 9 heures et se levait à 5. Il eût aimé à passer les premières heures de la journée avec Marthe, mais il avait vu une telle stupéfaction sur la figure du concierge et des domestiques, lorsque, le lendemain de son arrivée, il s'était présenté avenue de Messine à 8 heures du matin, qu'il avait compris que sa visite matinale avait quelque chose de prodigieusement choquant. Or, comme il connaissait le respect de M. Denis pour ce qui, de près ou de loin, touchait aux usages du savoir-vivre, il s'était imposé la règle de ne venir voir Marthe qu'après midi. C'était par peur de blesser ses usages qu'il avait refusé d'accepter la chambre que M. Denis lui offrait. Il pouvait bien leur faire ce nouveau sacrifice. Le surlendemain, il n'arriva qu'à 1 heure. « Es-tu malade ?» demanda Marthe en le voyant entrer. « Comme tu viens tard. »« Je viens à 1 heure convenable. » Nous ne sommes plus à la campagne, nous sommes à Paris. Il faut se conformer aux usages du pays dans lequel on vit. Je me lève matin ici comme à la cative. Oui, mais tes domestiques se lèvent tard, et je ne veux pas donner prise à leurs critiques. Cela pourrait déplaire à ton père, et en ce moment, je tiens essentiellement à ne pas le blesser, même dans les choses les plus indifférentes. D'ailleurs, tu sais que ces choses-là sont précisément pour lui très importantes. Je viendrai donc toujours maintenant vers midi ou 1 heure, et quand tu le pourras, nous ferons une promenade ensemble. Aujourd'hui, si tu veux, je suis à ta disposition. Papa est sorti, me voilà maîtresse de mon temps. Aujourd'hui, ce n'est pas une promenade que j'ai à te proposer, c'est une course. Ce que tu voudras. Voici de quoi il s'agit. Tu te souviens peut-être que je t'ai parlé d'acheter un chapeau. Le mien est encore solide et dans la lande, il pourrait durer 2 ou 3 ans. Mais à Paris, il manque de brillants. Il est roussi, pelé sur les bords et de place en place, il a reçu des coups qui l'ont amolli. Comment le trouves-tu ? Disant cela, M. Hazabert le prit et le présenta à Marthe. C'était un chapeau de soie, bas de forme et très large de bord. La soie avait été rougie par le soleil et la pluie, les bords étaient déformés. Très bien, dit Marthe, qui le regarda à peine, et répondit comme si elle ne savait pas trop ce qu'elle disait. Sais-tu que, pour une jeune fille élégante, tu es bien froide pour l'élégance des autres ? Tu n'as donc de coquetterie que pour toi ? Enfin, je suis moins indulgent pour ce vieux serviteur et je trouve que le moment est venu de le remplacer. Je ne veux pas, quand nous sortirons, qu'on se retourne pour me regarder. Avec un chapeau neuf et ma belle redingote, il me semble que je serai convenable. Très bien. Hier, n'ayant rien à faire, je me mets à flâner pour trouver un chapeau et passe devant toutes les boutiques en cherchant ce qu'il me faut, c'est-à-dire un bon chapeau solide qu'il aille à ma physionomie de campagnard. Fatigué de ne rien trouver, je me décide à entrer dans un magasin et je demande un chapeau. On prend le mien, on le regarde avec dégoût, avec mépris, je ne sais trop s'il y avait plus de dégoût que de mépris, ou plus de mépris que de dégoût, mais enfin, il y avait des deux. Puis on le jette dans un coin sur un tas de papier. Alors on me pose un chapeau sur la tête et l'on me conduit en face d'une glace. Je regarde dans cette glace et je pars à rire. On m'avait coiffé d'un petit chapeau pointu qui me donnait l'air le plus grotesque du monde. « Monsieur ne trouve pas ce chapeau à son goût ?» me dit le chapelier, indigné de mon rire. « Il est cependant parfait, c'est ce qui se porte, ni trop petit, ni trop grand, aucune exagération. C'est un chapeau qui fera honneur à monsieur. » Là-dessus, tu comprends que j'étais reprendre mon vieux chapeau dans les ordures et que je suis sorti. Veux-tu m'aider aujourd'hui à trouver mieux ? Je te demande le temps de m'habiller. Dans un quart d'heure, je descends. » Marthe avait reçu son grand-père au rez-de-chaussée dans un parloir. Elle l'y laissa pour monter à sa chambre. L'hôtel de l'avenue Messine avait été construit par un Russe qui ne l'avait jamais habité, car au moment de venir se fixer à Paris, il était mort et l'hôtel avait été alors vendu à M. Denis. Bien qu'il fût meublé de fond en comble, prêt à recevoir son propriétaire, M. Denis, en s'y installant, avait fait entreprendre quelques travaux d'appropriation commandés par ses goûts et ses habitudes. On changeait de place les portières, les tentures, les glaces et les tapissiers allant sans cesse du rez-de-chaussée au premier étage et du premier étage au rez-de-chaussée avaient mis partout un désordre presque aussi grand que pour un emménagement complet. Le parloir, surtout, était particulièrement encombré. On y avait entassé les meubles, les glaces et les tableaux en attendant qu'on les distribuât définitivement dans les pièces qui étaient destinées à les recevoir. Pour passer le temps, M. Zimbert tira un journal de sa poche et comme le parloir ainsi encombré se trouvait assombri, il alla s'asseoir dans l'embrasure d'une fenêtre derrière une grande glace qui le cachait. Il était là depuis 10 minutes à peu près, parcourant son journal, quand le bruit d'une porte qui s'ouvrait lui fit lever la tête. Mais il ne vit rien, car la grande glace derrière laquelle il était assis se trouvait entre lui et la porte. Croyant que c'était un ouvrier qui passait, il reprit son journal. Mais ce n'était point un ouvrier, car il entendit presque aussitôt une voix de femme qui parlait bas. Il reconnut Madame Denis. Elle avait ouvert la porte qui, du parloir, communiquait avec la pièce voisine. « Venez, disait-elle, il n'y a personne. » Presque aussitôt, des bottines craquèrent sur le tapis. « Alors adieu, » dit une voix d'homme. « Maintenant, rien ne presse. Le danger était qu'on nous surprît dans cette pièce où notre présence n'était pas facilement justifiable. Mais ici, il n'en est pas de même. Je peux très bien vous avoir reçu dans ce parloir, tout l'hôtel étant en désarroi. » M. Hazembert avait commencé par n'écouter cette conversation que d'une oreille distraite, mais ces quelques mots forcèrent son attention. Il avait déjà entendu cette voix d'homme, mais ses souvenirs étaient trop vagues pour qu'il se rappelât à qui elle appartenait. « C'est entendu, n'est-ce pas ? » reprit cette voix. « Vous viendrez demain. Je vous attendrai de 3 à 5 heures. N'oubliez pas le numéro, 33, c'est bien facile. Ne me demandez pas cela, Raymond. Pourquoi me refuser ? J'ai peur. Peur de quoi ? Il n'y a aucun danger. La présence d'une femme au grand hôtel est bien naturelle, et en tout cas facilement explicable. » « Ma chambre est au premier étage. Vous traversez la cour, vous montez le grand escalier, rien n'est plus facile. Vous courez bien moins de risques que quand vous veniez me voir à Bordeaux. Je vous en prie. Vous ne m'aimez donc plus à Paris comme vous m'aimiez à Bordeaux ? Après les jours heureux que nous venons de passer ensemble, me pouvez-vous dire cela ? C'est parce que nous avons été heureux au bord de la mer que je veux l'être encore ici. Vous viendrez, n'est-ce pas ? Tu viendras ? Eh bien oui, j'irai. Mais si je vais une fois, ne vous armez pas de cette faiblesse pour me demander d'y retourner tous les jours. Ce serait me perdre. Songez que mon mari a déjà trouvé bizarre de vous voir à Paris. Est-il jaloux ? Non, seulement hier il m'a dit « Pourquoi donc Mériol est-il à Paris ?» Précisément pendant que nous y sommes. Quand je le verrai, je lui donnerai une bonne explication pour le rassurer. Ne le rassurez pas trop, ce sera le moyen d'éveiller ses soupçons. À demain. Ils sortirent tous deux. Adieu, madame. « Au revoir, cher monsieur. À bientôt. » Et la porte fut refermée. M. Hazembert était resté sur sa chaise sans penser à se jeter à travers cet entretien. D'ailleurs, cette courte scène s'était passée avec une rapidité qui ne lui avait pas donné le temps de la réflexion. Les paroles se succédaient, vives, pressées, et ce qu'elles révélaient était tellement inattendu pour M. Hazembert qu'il se refusait à croire ce qu'il entendait. « Et quoi ?» C'était là la femme qui occupait la place de sa fille. Marthe revint à un banc qui lui prit pleine possession de lui-même. « Eh bien, dit-elle en le voyant debout au milieu du parloir, sortons-nous ? Ah oui, sortir, certainement. » Il se laissa conduire par elle. Ils descendirent ainsi jusqu'au boulevard Malesherbes sans parler. « Où veux-tu acheter ton chapeau ? Demanda Marthe. « C'est vrai, je n'y pensais plus. À l'endroit devant nous. » Ils recommencèrent à marcher en silence. Enfin, M. Hazembert remarqua que ce mutisme chez Marc était extraordinaire. Elle n'avait pas comme lui des raisons pour être troublée. Déjà en arrivant, il avait été frappé de son attitude contrainte. « Qu'as-tu » dit-il. « Es-tu souffrante ? Il ne faut pas te désoler d'avance. J'ai déjà appris sur M. de Saint-Ostrebert certaines choses qui, je crois bien, ouvriront les yeux à ton père. Avant peu, j'aurai complété mon enquête, et alors je pourrai parler. » « Ne prends pas tant de peine. » dit-elle d'une voix brisée. « Je crois que je suis décidée à épouser M. de Saint-Ostrebert. « Comment ?»« Je ne crois pas. Je suis certaine que je suis décidée. Il le faut. « Tu veux maintenant épouser ce vicomte ? Est-ce que je rêve ? « Tu as bien entendu. « Alors tu es folle. « Malheureusement, non. « Je le voudrais. « Les fous ne savent pas ce qu'ils font. « Parles-tu sérieusement ? « Regarde si je plaisante. » Elle se tourna vers lui et il vit son visage désolé, ses yeux navrés, ses lèvres crispées. « Voyons, ma chère enfant, qu'est-ce que cela signifie ?»« Je vois bien qu'il faut que j'accepte M. de Saint-Ostrebert. »« Mais non, il ne le faut pas, et je te dis que j'espère obtenir, que je suis certain d'obtenir des preuves qui arracheront ton père à ses fatales illusions. D'ailleurs, il ne t'impose pas, M. de Saint-Ostrebert. Il veut que je l'épouse, et je sais maintenant qu'il faut que je m'y résigne. Il le faut pour la tranquillité de papa, pour son bonheur, je le sais. » « Mais, pauvre enfant, pour le bonheur de ton père, tu ne peux pas faire ton malheur. Ce serait un suicide, ce serait un crime. Le devoir d'une fille ne va pas jusque-là. Ce n'est plus du dévouement, c'est du sacrifice. Je dois faire ce sacrifice, et je le ferai. Je t'assure qu'il le faut. Voyons, ne nous exaltons pas. Je ne m'exalte pas, et c'est la raison qui parle en moi. Tu n'aimes pas monsieur de Saint-Austrobert? Jamais. Je l'ai tant méprisé, tant haï. Et tu veux l'épouser? Il veut m'épouser, je me rends. Allons, décidément, c'est incompréhensible. Comment? Tu le fuis pour lui échapper, tu te sauves de chez ton père, tu prends la résolution la plus terrible qu'une honnête fille puisse prendre, et maintenant tu n'es pas de retour depuis 3 jours, tu cèdes. Il le faut. Alors je te répète ce que je t'ai déjà dit, c'est de la folie, ou bien le cœur des femmes renferme de prodigieux mystères. J'ai compris que pour mon père je devais épouser monsieur de Saint-Austrobert. Je l'épouse, voilà la vérité. Ils allaient entrer dans la foule, monsieur Hazimbert s'arrêta et retourna sur ses pas. Pendant une demi-heure, il tâcha d'obtenir des explications de Marthe, des éclaircissements, mais inutilement. « Et Philippe ? » dit-il enfin. « Pauvre Philippe, crois-tu que je n'y pense pas ? Il se sacrifiera pour moi qu'il aime, comme je me sacrifie pour papa. » Ils étaient revenus à l'hôtel de M. Denis. « Voyons, tu n'es pas pressé d'accomplir ce sacrifice, » dit M. Hazimbert. « Ah, mon Dieu ! Eh bien, ne dis rien, ne t'engage à rien avant 3 jours. » M. Hazimbert ne rentra pas avec Marthe, mais en la quittant, il se fit indiquer un bureau de télégraphe et il envoya une dépêche à Philippe pour lui dire qu'il l'attendait le lendemain matin par le premier train et il le priait de venir le trouver à son hôtel en descendant du chemin de fer.